originalité. C'est fou, 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Pas mal assez fou pour la semaine du 23 au 29 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau en congé cette semaine, probablement, on sait pas. Plus tard dans l'émission, on va savoir si nos numéros sont toujours du côté francophone, le couleur avec Club Italien et en anglophone. C'était passé Samantha Savage Schmidt avec It's a Burn. Le mystère va planer pendant 3 heures environ parce qu'on a justement ça devant nous. 3 heures de bonne musique, un top 20 francophone et un top 20 anglophone, des pièces les plus appréciées des animateurs de la station. On va aussi avoir aujourd'hui Palmer's in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. On a C'était fou pour retourner dans le passé ainsi que ailleurs dans les palmarès pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Malheureusement, on n'aura pas d'instant classique cette semaine. Ça ira la semaine prochaine avec une double dose. Tiens, pourquoi pas. Commençons avec la portion new shit de l'émission. On a 6 nouvelles entrées. Plus tard, il y aura La Bronze, Les Incendiaires, No Island, Joel Plaskett ainsi que Autopilot. Mais on débute en 20e place francophone. Voici le retour de Ponctuation avec Météo. Sur C'est vous. Entrée. Who am I? Autopilot et Desert Dreams pour son numéro 20 anglophone sur leur nouvel album Desert Dreams. Cette formation-là qui vient de Saskatoon. Vous pouvez en apprendre plus sur autopilot.band.com, pardon. Sinon, twitter.com/bandautopilot. Eux pour être mêlés dans le sens des choses. Avant ça, on a entendu Ponctuation en 20e place francophone avec Météo sur l'album La réalité nous suffit. On l'a reçu beaucoup à l'avance. Ça sort le 28 avril prochain. Groupe qui existe depuis 2011. Un groupe de Québec, en fait, avec Gru à la guitare et la voix et Max à la batterie. Ponctuation.com et leur site web. C'est deux frères, Guillaume et Maxime Chiasson, le duo rock garage originaire de Québec, la ville. Hein? C'est pointé en 2011 avec deux maxi autoproduits qui lui ont permis de prendre part à Pop Montréal, au Festival de Québec, au Francophonie de Montréal, à North by Northeast, au Sappy Fest et au F-Meet. Un parcours saillant déjà remarqué par le label montréalais Bon Sound qui a fait paraître 27 Clubs, le premier album du groupe en mars 2013. Et d'ailleurs, sur leur album 27 Clubs, il y avait la pièce À bout de souffle et À bout de souffle était dans le palmarès la semaine du 8 avril 2013. Voilà pour Ponctuation. Il reste encore 4 nouvelles entrées à entendre. On va les entendre toutes ensemble. Donc plus tard, La Bronze, Noah Allen et Joel Plaskett, mais on débute avec la 19e francophone. Voici Les Incendiaires et Pink Venus. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Nouvelle entrée. This is the Park Avenue sobriety test. It's a kick in the teeth. It's the hornet's nest. It's the Park Avenue sobriety test. It's the cold hard light of day. It's the pain in your heart. It's the look in your eyes. All of your friends are dropping like flies. It's the hole in the sky. When a young man dies, you just wanna go to sleep. And when you finally sleep, you imagine a world. It's a beautiful world, filled with beautiful.

Nouvelle entrée. Par No Island sur l'album Better Days en 18e position, nouvelle entrée en anglophone. Avant c'était la bronze avec Explose-moi. On parle un petit peu des bands quand même. No Island, hardcore, c'est leur genre, c'est ce qu'ils disent. Ryan Driver, Mark McGregor, Chris McGlynn et Stu Ken. C'est lent, c'est rapide, c'est rapide. NoFuckingIsland.bandcamp.com et leur site web, NoFuckingIsland.bandcamp.com. Avant ça, je disais que c'était la bronze avec Explose-moi. C'est un simple, en fait, qui provient de leur nouvel album, qui vient juste de sortir. C'est Lala, la bronze. C'est un album homonyme. Chanson rock-pop à paillettes, un songe fluorescent où tu veux passer toute la nuit. Labronze.ca. Le premier opus de La Bronze est en vente sur iTunes depuis le mois de septembre. C'est Sébastien Blais-Montpetit de Radio Radio, DJ Champion et Caracol qui en signe la réalisation. Au cours des deux dernières années, La Bronze se fait remarquer sur plusieurs scènes, notamment celle des Francophonies de Montréal, du Festival Franco-Ontarien, de la Franco-Fête au Dundas Square de Toronto, le Hub Festival de Québec, le FOE Pop Montréal et plusieurs autres. Et il a déjà partagé la scène avec de nombreux artistes établis tels que Dumas, Cœur de Pirate, Mister Valère et Angélique Kidjo. C'est Nadia. J'avais son nom tantôt. Je suis allé chercher ça. Nadia Labronze. Je l'avais tout trouvé puis je l'ai fermé, évidemment. Nadia Essadiki, voilà. Labronze. J'adore sa voix. Je trippe bien raide sur cette voix-là. Donc, Labronze avance en 19e place anglophone. C'était Joel Plaskett avec The Park Avenue Sobriety Test. C'est leur extrait-titre pour Joel Plaskett. Bien sûr, c'est un musicien rock canadien. C'est un habitué quand même des palmarès assez fous. Il vient de la Nouvelle-Écosse. Et puis, il était membre au départ du groupe rock alternatif d'Halifax, Thrash Hermit, dans les années 90. Il s'est transformé pendant la première décennie du 21e siècle d'un musicien régional admiré à une icône nationalement admirée. Voilà, Joel Plaskett. On le connaît entre autres de Joel Plaskett Emergency. Et au tout début de ce bloc-ci, c'était la 19e francophone Les Incendiaires avec Pink Venus. Les Incendiaires, c'est Rudy, Frédéric, Maxime, Charles, David et Francis. Et puis on les retrouve sur Facebook en cherchant Les Incendiaires ou lesincendiaires.com. Voilà, pour les dernières nouvelles entrées, on a entendu 6 nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on a dit au revoir à 6 autres. Alors voici Palmerest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. It's a flame in the face, so now artistes qui ont quitté les palais assez fous depuis l'édition du 16 au 22 mars 2015. On a débuté avec Caravan et Harmony Rocket qui s'est envolé après 7 semaines. Ensuite, Dumas et son compte à rebours qui est arrivé à échéance, faut croire, avec 6 semaines. Claude Bégin, avant de disparaître, je vais même pas faire de blagues, des petits, je fais des blagues sur tout ça, mais ils ont tous déjà une blague d'intégrité. Avant de disparaître, a fini par disparaître après 7 semaines. Freak Heat Waves, après cette petite courte période de chaleur, sa pièce Dig a Hole s'est creusée une tombe. Après juste 2 semaines, ça a vraiment pas fonctionné pour Freaky Waves. C'est la pièce que t'as l'impression qu'il y a comme du grichage ou des défauts de fabrication dans la pièce, mais ça fait partie de la chanson. T'sais. Ensuite, The Seasons est passé à un autre quart d'année avec Copernicus. J'imagine qu'il s'est envolé vers l'espace avec 7 semaines de présence. Et Spoon River et Slippery Footed Man s'est enfargé après 7 semaines. Voilà pour Palmer Rest in Peace. On fait ça juste après les nouvelles entrées dans la portion New Shit des Palmarès, c'est fou. On était rendu à sauter des choses parce qu'on a entendu 6 nouvelles pièces. On saute par-dessus les 17e, Marie-Pierre Arthur et Rien à faire qui est là depuis 9 semaines. Et The Marwheels avec Don't Go Home qui est là depuis 8 semaines. On les entend pas souvent parce qu'elles sont vieilles. Quand il faut s'y faire, elles sont vieilles. Dans le prochain bloc, ce sera les 16 et 15. Par contre, on va faire un bloc 3 quarts. On va sauter par-dessus Tire le Coyote avec les chemins de serviette qui est là depuis 6 semaines. On va entendre par contre Fauve ainsi que The High Dials, mais on débute en 16e position anglophone. Voici Towers et Rooftop, nouvelle entrée de la semaine passée. C'est les Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Zone 89.1. happy end ailleurs que dans des salons de massage douteux d'Asie du Sud-Est. J'ai pas besoin de tes faux miracles en plastique, ni que tu me serves des five timers romantiques au rabais. Je veux pas de tes mauvaises contrefaçons de sentiments. Il me faut du vrai, du complexe, du diamant 24 carats. Alors sauf ton respect, mets-toi au cul tes scénarios bidons. Ceux qui embarquent la peau avec quand ils prennent feu, façon nylon, façon made in China. Tu peux garder tout ça. Cette fille dans la publicité m'aimera jamais. Même si t'essaies de me la faire à chaque fois, t'horrible blague non plus me baisera pas. Elle baisse plus en dehors des plateaux. Quand elle rentre, elle est fatiguée, elle est crasse, c'est normal, c'est pas grave. Et merde, amenez-moi de la raide, du rouge, du séroplex ou même les trois. Si ça marche pas, je peux encore taper dans le liquide de refroidissement, les escort girls. J'y lâcherai tout mon compte, tout ce qu'il faut, tant que tu fermes ta gueule. J'ai pas besoin de mon horoscope, ni de matériel de bureau nickel, ni de la vitesse de la lumière, ni d'une nouvelle voiture plus intelligente que moi, ni d'une nouvelle conscience, ni d'un meilleur cerveau, ni d'un nouveau moi-même nouveau, quand bien même j'aurais quoi en foutre. J'ai pas besoin de problèmes de santé et encore moins de nouveaux défis, j'ai déjà tout ce qu'il faut, merci. Alors arrête de me parler comme un abruti, je veux pas qu'on me serve la purée ni qu'on me fasse malasser. Et puis ton truc c'est mal fait, tu trouves pas, mais regarde-toi, tu fous le bourdon, on a envie de se jeter d'un pont, tellement t'es con avec tes machines, tes petites machines dans ta tête. Pareil, t'es très grossier, t'es fait trancher, tes choses trop simples pour être honnête, mets tes couilles sur la table, tiens au moins une fois dans ta vie, crache la valda, remonte ton froc, t'as le cul qui fuit. Et boucle là, ça fait comme un bruit blanc, c'est épuisant, bordel, on s'entend plus penser. Faut sucer qui pour que tu nous foutes la paix. Au passage, tu peux aussi rembarquer tes diagnostics de rebouteux foireux. Par exemple, Julien n'est pas un commis démissionnaire, ni aucun autre de tes raccourcis. Julien rêve de mer turquoise, de calme et de poésie. Comme beaucoup d'autres, il n'y est pas un schéma, ni un animal, c'est pas un objet. Julien est complexe, il se dope gentiment, va en boîte, caresse son collègue dont il est amoureux fort dans les cuisines. Julien a besoin de sens profond. Et moi j'ai pas une envie débordante de fumer la gueule de mon voisin. D'ailleurs je crois bien que c'est pareil pour lui, alors te donne pas de peine, reprends ta merde, tes dernières haines, ravale ton venin, t'es hantise, t'es psycho, ça me sert à rien. J'ai pas besoin de nouvelles peurs, ni de nouveaux cauchemars, ni de nouvelles tocades. J'ai déjà largement donné, c'est bon là. Et puis tu veux que je mette ça où? J'ai pas la place, nulle part. Mais que dalle, je te dis, alors remballe, remballe et tire-toi loin d'ici. Tu me feras pas croire que l'autre est un enculé, puisque l'enculé il est en moi. Et au passage t'as le même chez toi. Donc tu me verras pas sauter sur mes semblables. Et tu me mettras jamais derrière un flingue. Ou uniquement si t'as des chances de passer devant. Peut-être que la vie est une chienne, c'est vrai qu'on entend ça parfois en attendant. Moi je vois des milliards de choses douces et belles. C'est pas du sable artificiel, c'est du métal très solide comme le parfum des fleurs. Je vivrai pas sous le règne de ta terreur. Kings. The High Isles. Avec Yester Graves, ça monte d'une place en 15e anglophone. C'était nouveau la semaine passée sur l'album In the AM Wilds. Alors, on a entendu Fauve et TRW qui montait aussi d'une place, qui est là depuis 4 semaines par contre. L'album s'appelle Vieux Frères Partie 2. Et au début du bloc, c'était Towers, TTWWRRSS avec Rooftop, qui monte de deux places et qui était aussi nouvelle la semaine passée. On a sauté par-dessus Tire le Coyote et les Chemins de Serviette. On saute encore par-dessus quelques trucs. En fait, on va faire un bloc, je dirais moitié-moitié, mais peut-être techniquement 3/6. Mettons, parce qu'on va jouer 3 pièces sur les 6 prochaines dans les positions 14, 13 et 12. Donc, on va sauter du côté francophone Jean Leloup avec les Flamants Roses qui jouent énormément en ce moment. Même chose pour Chocolat avec Apocalypse qui est là depuis 7 semaines. En anglo, on saute Cairo avec A History of Reasons et qui descend d'une place. On va entendre dans l'ordre, je me tente à dire dans l'ordre, inversé. Donc, à partir de la fin. À la fin, James Irwin avec Michigan Miami. Au milieu, Lita avec La Mélancolie du sort du nez. Mais on débute avec Del Bell en 14e anglophone. Ça monte de une, c'était nouveau la semaine passée. Voici In My Solitude. Sur C'est Fou, dans vos oreilles. Thank you.

C'était James Irwin et Michigan Miami qui descendent de deux places en 12e anglophone sur l'album Unreal. Avant ça, c'était Lita avec La Mélancolie nous sort du nez qui monte de 7 qui était nouvelle la semaine passée. Avant ça, on a sauté par-dessus Cairo et A History of Reasons et Chocolat avec Apocalypse qui sont là depuis 7 semaines toutes les deux. Avant ça, en 14e, on a entendu Del Bell avec In My Solitude qui est là depuis 2 semaines qui monte d'une place et on a sauté Jean Leloup en franco avec Les Flamants Roses qui descend de 12. Voilà, c'est la fin de la portion New Shit, la portion de l'heure numéro 1. Les parents, c'est fou, c'est, vous appelez ça comme ça vous tente. On est de retour dans quelques instants avec une deuxième heure, la portion top 10, c'est là-dedans, entre autres. Amor Blitz, Huiclo, Navarre, Lisa Leblanc, Samantha Savage Schmidt et Viet Cong. Ça s'en vient dans la deuxième heure des Pas mal assez fous, restez avec nous. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Bon, attends, c'est la deuxième heure des Parleurs assez fous pour la semaine du 23 au 29 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau va être de retour un jour, éventuellement. Dans cette portion, c'est la portion top 10 de l'émission, donc on va entendre les pièces 10 à 6 de chaque côté. On va aussi avoir le segment C'était fou, on va retourner en 2007 cette fois-ci. Par contre, on n'a pas de l'instant classique, on va revenir à cette portion avec une double dose de cette chronique des meilleurs moments d'assemblage requis. Que voulez-vous, ça arrive une fois de temps en temps. On débute avec les positions numéro 10 du côté anglophone. En 10e place, on retrouve Viet Cong avec Continental Shelf, mais en franco. À l'instant, c'est un succès instantané pour Amor Blitz. Voici Kilimanjaro dans les Pas mal assez fous sur le 89.1 FM. On grimpe jusqu'au sommet avec cette pièce-là. À chaque fois, je l'ai dit, puis elle a redescendu, fait que je peux plus vraiment le dire. C'est un peu plate. Ça devrait juste monter. On va faire les nouvelles positions au-delà de 1 juste pour celle-là. Kilimanjaro, Kilimanjaro, Kilimanjaro.

je danse sans savoir si tu me plais. Mes hanches, tes mains tanguent sur nos corps parfaits et ma tête abandonne le combat. Tu es le rythme, je suis les pas, je suis le rythme, tu es les pas. Je suis kind of gross, it somehow comforts me. The great thing about us is that we're practically the same, and you know that's what scares me the most. My heart's always traveled with me in my suitcase, and I guess I don't want to see it ending up in yours. Will you like trouble, but I guess I do too. Well, you look like trouble, but I guess I do too. You and I both know a gypsy's heart can't settle down, so if you don't, what do we do now? 'Cause I have to admit, even the highways don't look the same since you've been.

is killing me. Down par White Horse, position numéro 5, 7, pardon, ça descend de la 5e, oui, donc descente de 2 places. J'ai écouté un petit peu le reste de l'album de White Horse, Leave No Bridge Unturned, c'est vraiment super bon. Alors, ce trio est né quelque part, qui descend de la 4e, c'est un style musical que moi je n'apprécie pas, mais peut-être que vous l'appréciez, donc trio, l'album s'appelle aussi Né quelque part. Il nous reste du temps pour les 6e, avant de passer à C'était fou, du côté anglo, c'est Hilltrons, avec la très courte mais très efficace Animal I Love You qui descend de 2 places. Mais on débute avec une pièce qui doit durer approximativement régulière, rien de bien spécial dans sa durée, 4 minutes environ. Elle est tout aussi efficace, tout aussi un succès. Donc Galaxy et Robolinks qui descendent de 3 places en 6e francophone à l'instant. Au 89 FM, c'est fou! Oh, 6. The Animal I Love You, qui descend de 2 places en anglophone, et Morceau Galaxy avec Robolinx, qui descend de 3 places en 6e francophone. On est déjà rendu à la fin de ce qu'on est supposé jouer dans cette heure de l'émission. Par contre, il nous reste 20 minutes, donc on a le temps de retourner en arrière jusqu'en 2007. Voici C'était fou. Si on retourne à la semaine du 10 mars 2006. Ah ouais, joue donc un de ses succès. Ben voyons, tu connais pas ça. Jerry Boulet. Hey! Joue dans quelque chose qu'on connaît! Tu chantes, c'est ça, toi, c'est Jerry Boulet! Ah ouais, joue dans un de ses succès! Ben voyons, tu connais pas ça! Felt like the Berlin Wall, and there was no Que c'était fou pour la semaine du 10 au 16 mars 2006. On a débuté avec le numéro 1 francophone cette semaine-là. Pépé sa guitare avec Toi tu l'as sur l'album Fait quelque chose. Ensuite, Yellow Card et Lights and Sounds sur l'album Lights and Sounds. Et on a terminé avec une pièce bonus de mon choix. C'était Crooked Teeth par Death Cab for Cutie sur l'album Plans. J'adore donc cet album-là de Death Cab. C'est magnifique. Donc, cette semaine-là du 10 mars 2006, il y avait aussi Caïman Fou dans le palmarès. Paul Amarani, l'acteur, avec son groupe Paul Amarani et les Nouveaux Mariés. Le Husky. Philippe B était là. Malajube. Antoine Graton. Karl-Éric Hudon. Eve Cournoyer. Ah oui, c'est feu, Eve Cournoyer. Maintenant. Du côté anglophone, Children of Bodom. Il y avait People in Plains. Il y avait Morningwood avec leur classique Nth Degree qu'on a écouté à chaque fois qu'on est passé par cette semaine-là. Je pense qu'on a fait jouer Morningwood, sauf cette fois-ci, je l'ai varié un petit peu. Avenged Sevenfold, Korn et NoFX étaient dans le palmarès pour la semaine du 10 au 16 mars 2006. Vous pouvez retrouver les liens vers ce palmarès-là sur assemblagerocky.com. On est presque à la fin de cette deuxième heure de l'émission. On a le temps encore pour un tout petit bloc. Donc, on va écouter des pièces qu'on a sautées précédemment dans l'émission. En première heure, on avait sauté les 11e du côté anglophone The Moors avec leur nouvelle pièce Youth. En fait, nouvelle, ça fait 3 semaines qu'elle est là. Et j'ai entendu de bons commentaires d'auditeurs qui aimaient la pièce de The Moors. Donc, on va écouter Youth. Et avant ça, en francophone, Pat Ground avec N'oublie pas la couleur. Tout de suite sur C'est fou. Dans vos oreilles. C'est des palmarès, c'est fou en passant. Dépose ce vieux tableau et range-le dans un coin. Recommence à zéro, ça ira mieux demain. Refais le monde plus beau avec tes coups de pinceau. Surtout pas ces défauts, ceux qui nous ont choqués, ceux qui nous ont blessés. Efface tout ça et recommence. N'oublie pas la couleur. Ne dessine pas mes mains. Prends le bleu de tes yeux. Étends-le dans le ciel. Et plus gros le soleil. Chanter les oiseaux, disparaître les fusils, rire les enfants à la hauteur de ton talent. Détruis toutes les peines, trace la ligne du bonheur et fais la zigzag qui dirige vers ton cœur. Ne retourne pas chercher le noir, il est perdu, je n'en veux plus. N'oublie pas la couleur. Ne dessine pas mes mains. promise to be true. I think I'm wasting my youth on you. Les 11e places, on vient d'entendre The Moors avec Youth qui descend de la 8e et en franco background avec N'oublie pas la couleur qui descend d'une place. Donc des pièces qu'on avait sautées précédemment. C'est la fin de la 2e heure, la portion top 10. Dans quelques instants, la portion top 5. Là-dedans, on va entendre entre autres Lubick, Mastic, Summerland, Le Couleur, Le Cri du Chat, Danko Jones, Elliot Magino, Nepom Pom, Bell Sebastian, Airborne Toxic Event. On va savoir si notre numéro 1 francophone est toujours Le Couleur avec Club Italien. Dans quelques instants, on va m'arrêter assez fou. C'est fou. 89.1. Troisième heure des Palmarès Fou pour la semaine du 23 au 29 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau sera-t-il de retour un jour? Seulement le futur nous le dira. Dans cette troisième heure, on va savoir si le numéro 1 est toujours Le Couleur avec Club Italien. On a appris tantôt que le côté anglophone est descendu en 9e place. C'était Samantha Savage Smith avec It's a Burn. Malheureusement, ça a pris une petite chute de la moitié du palmarès anglophone. C'est triste. On va aussi faire ailleurs dans les palmarès pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ça s'en vient un peu tard. Mais avant ça, les 5e places. En anglo, c'est des Airborne Toxic Event avec Wrong qui descend de 2 places. Mais on débute avec Le Cri du Chat. Oui, Le Cri du Chat. Mais qui monte de 15 places de nouveau la semaine passée. Voici Danse Sauvage. Au 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou. 5. Airborne Toxic Event et Wrong descend de deux places en cinquième position anglophone et en franco, le cri du chat monte de 15 avec Danse Sauvage, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Vous êtes dans les palmarès Sifo, un condensé de la meilleure musique que Sifo va vous offrir. Tout à l'heure, on a Ailleurs dans les palmarès à vous présenter, ça s'en vient dans pas trop longtemps avec la petite chanson qui va avec, oui, oui, oui. Mais avant ça, en quatrième place, en anglophone, Napalm Palm et Seamstress qui montent de la 19e place, c'était nouveau la semaine passée. Il y a beaucoup de choses qui ont monté pas mal dans les palmarès, dans le top 5. Je vous dirais que les trois prochaines étaient les nouvelles entrées la semaine prochaine, et la semaine passée. Ouais, j'avoue que ça avait l'air bizarre ça comme phrase. Mais avant ça, Summerland avec Juste un peu trop, qui elle aussi était nouvelle la semaine passée, elle monte de 14 places. 14 places, c'est comme Skypunka. L'émission, c'est fou. Mais c'est 14. C'est A, comme mot. C'est pas mal, c'est fou. Les palmarès, c'est fou, t'sais. Just a little bit. les pom-poms. La pièce s'appelle Seamstress. En position numéro 4 anglophone. Sur l'album The Unconditional Love of Napalm Pam. C'est bon de la 19e, c'était une nouvelle entrée à se passer. Avant ça, on a entendu Summerland et juste un peu trop qui monte de la 18e place, donc de la 14e, comme j'ai dit tantôt, la 14e dans les palmarès Spifou. Avant de passer aux 3e places, celui mec qui est Daiko Jones, je me suis dit que ce serait une pas pire idée d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Oh, toujours la honte quand je suis seul pour cette intro de chronique. Une chance que je m'en étais sauvé la semaine passée, parce qu'on avait des invités spéciaux, on n'a pas fait cette chronique-là, mais là, faut que je recommence à faire ça, apparemment. Donc, ailleurs dans les palmarès, c'est la section où on regarde ce qui se passe étrangement ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 30 des musiques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Dans le top 30 des albums, il y a 5 nouvelles entrées. En 30e place, Humans, avec l'album Noontide. En 28e, Purity Ring, avec Another Eternity. On va sûrement les entendre éventuellement dans le top 20 anglophone. Ceux qui viennent de faire leur entrée dans le palmarès anglophone sont aussi en nouvelle entrée dans le top 20 des albums. Donc en 20e, Autopilot, avec Desert Dreams. En 19e, Joe Plaskett, avec The Park Avenue Sobriety Test. Et en 18e place, No Island, avec Better Days. Je me demande si je devrais peut-être instaurer une nouvelle règle dans les palmarès. C'est-à-dire de ne pas dire le numéro 1 du top 3 des albums ou du top 3 des disques canadiens, parce que ça vous donne un petit peu le punch de qui est numéro 1 dans le top 20 anglophone. Tu sais? Hein? C'est nouveau de là que je pense à ça après comme beaucoup trop longtemps de palmarès, on n'y pensera même pas combien de temps ça fait. Donc en 3e place, on trouve Danko Jones avec Fire Music. En 2e, Belle and Sebastian avec Girls in Peacetime Wanna Dance. Et en première place, on dira tout à l'heure. Dans le top 3 des disques canadiens, en 3e place, Napalm Pam avec The Unconditional Love of Napalm Pam. En 2e, c'est Danko Jones avec Fire Music. Et en première place, on dira tantôt. Dans le top 10, Loud, aucune nouvelle entrée. Donc dans le top 3, en 3e place, c'est stable, Old avec l'album I. En 2e, l'ancien numéro 1, Venom avec From the Very Depths. Et en première place, ça monte de 1, Enslaved et In Times. Dans le top 5, musique du monde maintenant, en 5e place, en fait, il y a deux nouvelles entrées. En 5e, G-Nouvet, pièce de Rogin. En 3e, c'est Usurpation de l'artiste Warsaw Afrobeat Orchestra. En 2e place, ça monte de 2 places, Painting Silhouettes par Quantic sur l'album Painting Silhouettes. En première place, c'est stable, Bouzouknou Fanfare par la fanfare Couchetard sur l'album Balkanize Me. Voilà. Moi, je vous ai choisi la nouvelle entrée en 5e place à aller entendre. Donc, on va écouter sur l'album Yenny Dan de Rogin. Voici J-Nu-V tout de suite. Au palmarès, c'est fou, c'est ailleurs dans les palmarès. Yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, y الشعبي وذاكم ببين دنيا ياكو وقنا وروزي قرمة تحوجة جشار وراب راب راب دفيخي قهر يا أخوه واخ واخ واخ جمل وجتر يا بري ما بايا كل ريا قري ما قلتو قري يا ما در كتور ريا مقري يا نقري يا راب لو ما فعم كراف ريا ما ياكي تغني ما قري ما بور يا ما ياكي بس في تشيرون كيبش أبدوش من أف خاين إيدي خل بيش بخا زماني خفر ببا جامي تدليزة تجي ببليزة حتريش زمان مجي شكو حانا مشي قمت يمي نيمي نيمي حولير يمي نيمي نيمي مهبط يمي نيمي نيمي قمشو يمي نيمي نيمي نلو قمت يمي نيمي نيمي حولير يمي نيمي نيمي مهبط يمي نيمي نيمي قمشو يمي نيمي نيمي C'était Rogine et Ginouvé sur l'album Yeniden. Évidemment, tout ça est prononcé à peu près n'importe comment par moi, parce que j'ai aucune idée. Je suis pas l'animateur de Palmarès du Monde, David Ferron, les jeudis entre 16h et 17h, qui vous fait jouer le top 5 musique du monde au grand complet. Donc, jeudi 16h et ça repasse les lundis à 18h. Palmarès du Monde, David Ferron, salut à toi. Oui. C'est la position numéro 5, nouvelle entrée de ce top 5 musique du monde dans la section ailleurs dans les palmarès. Maintenant, on retourne au terrain numéro 3 du top 20 francophone et du top 20 anglophone. Donc, en anglo, c'est Danko Jones avec Do You Wanna Rock qui monte de la nouvelle entrée de la semaine passée en 20e place. Donc, ça monte de 17 places. Ça va très bien pour Danko Jones. L'album s'appelle Fire Music. Mais avant ça, on écoute Lubic qui commence à vieillir un petit peu 6 semaines. Voici l'essence. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Entouré de l'essentiel, le plan d'y croire est réel. Parti pour que rien ne s'écrase. Faut pas comme un dégât. Entouré de l'essentiel, le plan d'y croire est réel. Parti pour que rien ne s'écrase. Faut pas êtes dans la zone 89.1. 3. Watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Do You Wanna Rock par Lanco Jones. Position numéro 3, ça monte de 17 places. Une entrée la semaine passée sur l'album Fire Music. Avant ça, Lubic et L'Essence qui monte de 2 places sur l'album jusqu'au bout. On est au 2e place maintenant. En anglophone, on parle de Belle and Sebastian avec The Party Line. C'est le 2e extrait de l'album Girls in Peacetime Wanna Dance. J'adore jusqu'à maintenant. Je suis allé entendre encore une fois quelques petites pièces. Belle and Sebastian et l'autre que j'avais dit tantôt, c'est quoi que je t'ai écouté tantôt? J'ai dit tantôt. White Horse, c'est ça. Vraiment excellent tout ça. Donc Belle and Sebastian nous offre The Party Line et ça, ça monte de 15 places, c'est le nouveau la semaine passée. Avant ça, un autre groupe que j'adore avec tout l'amour du monde, c'est Le Couleur. C'est lancé numéro 1, par contre, ça descend de 1. Voici Club Italien tout de suite. Au palmarès, c'est fou. J'en aime bien les affaires, coudonc, ces temps-ci, c'est bon ça. Petit palmarès là, magnum, magnum. Je ne puis y entrer. you knew me, and you end up dancing closer to me. I know that I broke the rule already. She asked me if I'm single, going steady. I just dropped my head and took a step off into the dark. Party Line par Belle and Sebastian. Position numéro 2 qui monte de 15 et en franco le couleur avec l'ancien numéro 1 Club Italien sur l'album Dolce Désir. On n'a pas vraiment beaucoup de temps pour faire des jeux de mots pour les numéros 1. Vous savez qu'on n'a pas le choix. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver. C'est pas quelque chose de nouveau. Quoique à chaque fois qu'on le fait, c'est tout le temps pire. De fois en fois. Comme nouveau en pire. La pièce. De l'artiste, évidemment, qui me laisse un peu bouche bée ou encore qui me donne de la misère à parler comme si j'avais un petit peu mal mâché. Chose, ma gomme, parce que c'est Mastic, l'artiste Mastic, ça. De Sol et d'Éther est le nom de l'album, donc je vais peut-être déterrer quelques blagues pour une autre fois, si ça reste numéro 1 la semaine prochaine, en anglais, mes blagues sont tout aussi mauvaises qu'elles s'adressent à un public jeune ou plus vieux, ça va toujours être mauvais, donc parce que je manque d'imagination, des fois Elliot Maginot avec Young and Old, sur l'album Young and Old and Everything in Between. Voilà, ma job est faite pour les jeux de mots. On les écoute et on revient pour se dire au revoir dans quelques instants. Faut pas en rester fou. Sur 89 FM. Tes grands maintenant demeurent-tu cru? indiquera le pire mieux. On baillonnera ton souffle fougueux. Ne laisse pas guillotiner tes enjeux. Reste furieux, reste furieux. Exombrons les nouveaux empires sur les ruines des vieux. Les marcheurs position. Something to stand by. numéro 1 des palmarès pour la semaine du 23-29 mars 2015. On vient entendre Elliott Maginot et Young and Old qui montent d'une place sur l'album Young, Old and Everything in Between. Et avant ça, c'était Mastic et Nouveau Empire qui montent de 6 sur l'album de Sol et d'Éther. Voilà pour les palmarès. C'est fou. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi entre 15h et 18h. Après nous, c'est évidemment Audiomatique, puis Les Audacieuses. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, les Bonnets Rouges, Skype Punk, et finalement les dimanches à midi. Restez à l'écoute de CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire la position numéro 17 du côté franco, Marie-Pierre Arthur, et rien à faire. C'est là depuis 9 semaines, probablement sa dernière fois dans le palmarès, donc on va lui envoyer son au revoir, comme le veut la tradition, sur l'album Si l'aurore. Et on se quitte là-dessus, à la semaine prochaine. À bye bye.